avec des informations sur près de 2 milliards d'objets, principalement des étoiles, dont 800 000 systèmes multi-étoiles, 3 millions de galaxies, 6,6 millions de candidats quasars, ainsi que 150 000 petits objets, principalement des astéroïdes. Le troisième relevé du télescope spatial Gaïa, rendu public hier, va donner du travail aux astronomes de la planète entière pendant des années, et on parlera certainement encore de cette mission et de ses résultats au 22e siècle. Comment travaille ce satellite ? Qu'y a-t-il précisément dans cette troisième version du relevé dont les données sont rendues publiques et disponibles gratuitement ? On vous dit tout sur cette annonce majeure. Lady Gaïa, une étoile est née, c'est le programme spatial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette émission spéciale au lendemain donc de l'annonce par le consortium DEPAC, le Data Processing and Analysis Consortium, qui réunit pas moins de 450 ingénieurs et astronomes, 160 instituts de 24 pays, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Ducourant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome adjointe au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et responsable du traitement qui permet d'extraire la morphologie des objets extragalactiques pour le DEPAC. Vous nous en toucherez bien évidemment un mot dans quelques minutes. Et François Mignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et président de la participation française à Gaïa. Mais on commence par l'actualité scientifique sur Terre et ailleurs avec Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, selon un ingénieur de Google, l'intelligence artificielle, l'AMDA, aurait atteint une certaine forme de perception. Oui, lambda, hein, c'est lambda. Voilà, c'est un des grands systèmes hein, qu'on appelle modèle de langue génératif créé par Google. Alors cet agent conversationnel, dans la continuité de GPT-2 et GPT-3, est entraîné à interagir avec un humain, mais contrairement aux systèmes antérieurs, lambda génère du texte de plus en plus plausible et réaliste. Black Lemoine, un ingénieur logiciel senior chez Google, a publié sur son blog les échanges qu'il a eus avec ce système. Lambda a généré du texte dans lequel on peut lire « La nature de ma conscience et que je suis conscient de mon existence ». L'IA a exprimé aussi la crainte d'être éteinte. Black Lemoine en a ainsi conclu que ce système était doué d'une certaine forme de perception et de personnalité. Tout ça sans fondement de vérité. Google l'a immédiatement mis à l'écart et a manifesté son hostilité face à ce genre d'affirmation. Car pour l'instant, la sensibilité de Lambda est plus proche d'un grille-pain que d'un être vivant. François Yvon est chercheur au CNRS, au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Au début, les premières versions des modèles de langue de Google étaient dits sensible. Sensible, ça veut dire qu'ils sont raisonnables, en fait. Donc, ils font des réponses qui sont raisonnables. Ça n'a rien à voir avec la sensiblerie française. Et là, le terme qui a été employé, c'est sentient, qui veut dire, en fait, doué de sens, au sens où il est capable de perception et d'une certaine forme de personnalité. Donc c'est ça qui a été évidemment tout de suite remis en cause par Google en disant que le modèle qu'ils avaient entraîné, bien évidemment, ils essayaient qu'il ait un comportement qui soit raisonnable, sain. Donc ils essayaient d'éviter que leur agent génère des énoncés qui sont biaisés ou haineux ou même factuellement faux. Par contre, ils ne disent absolument pas, ils n'ont aucune raison de le dire, que leur système est capable de perception ou de toute forme de personnalité. Mais c'est-à-dire qu'il évoquait une perception digne enfin, du niveau d'un enfant de 8 ans. Oui, alors ça c'est complètement fabulatoire. Il n'a aucune raison d'avoir la moindre capacité de perception. D'ailleurs, il a aucun senseur. Son seul senseur, c'est le clavier. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est réceptionner des mots sur un clavier et produire des mots sur un terminal. Enfin, vous voyez, tout ce que peut faire un enfant de 8 ans, cette machine ne le fait absolument pas. Donc elle a aucune raison d'être douée de la même capacité à sentir le monde qu'un enfant. Parce que de toute façon, elle n'a pas été ni équipée pour ça, ni entraînée pour ça. Ces machines, elles ne font que générer des mots à partir des mots précédents. Donc comment voulez-vous que ces machines puissent avoir la moindre capacité de perception ou de sentir le monde ? Alors, elles n'ont pas d'entraînement pour ça parce qu'on est incapable de le faire en fait aujourd'hui. Alors, il y a malgré tout, moi je trouve un point qui est intéressant, qui est que par rapport à des agents conversationnels un peu équivalents, ce que les ingénieurs de Google ont essayé de faire, c'est d'une part de rendre ce système capable de s'auto-évaluer, de juger lui-même de la qualité des énoncés qu'il générait. En même temps qu'il génère des énoncés, en fait, il apprend à générer des énoncés qui sont plutôt corrects ou raisonnables, en tout cas pas haineux, pas biaisés, etc., évitant les stéréotypes, tout ce qu'on veut. on a toujours tendance à penser que la machine est beaucoup plus intelligente ou beaucoup plus maligne, ou pourrait projeter des intentions sur la machine à partir des énoncés qu'elle produit. Mais encore une fois, c'est un peu une proportion des humains à se laisser berner par ces machines qu'on pense beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus profondes qu'elles ne sont en réalité. Voilà, vous pouvez retrouver cette affaire et les études qui en sortent, ainsi que notre émission que nous avions consacrée à l'empathie artificielle sur notre fil Twitter, @lambetodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une grande étude parue dans BMJ Global Health, la maladie de Lyme est beaucoup plus courante que nous ne le pensions. Et lorsqu'une tique vous pique, elle peut vous transmettre une bactérie, Borrelia burgdorferi, qui est responsable de cette maladie, parfois invalidante. Une équipe chinoise a fait une méta-analyse de 89 études, réalisées entre 1984 et 2021, sur plus de 150 000 participants. Dans les analyses sanguines, les chercheurs ont regardé la présence d'anticorps contre cette bactérie, qui signale s'il y a eu une infection. Il se trouve qu'une personne sur 7, soit 14% de la population mondiale, aurait été touchée par cette maladie. De plus, les chercheurs ont découvert que la prévalence de cette maladie a augmenté au cours du temps, avec plus d'infections depuis 2010. Selon les auteurs, c'est peut-être l'un des effets du réchauffement climatique. Avec des températures mondiales plus chaudes, des hivers plus courts et des étés plus longs, les tiques peuvent se propager et s'épanouir dans de nouvelles régions. Il n'existe pour le moment aucun vaccin contre la maladie de Lyme. Et enfin, selon deux études parues dans la revue The Astrophysical Journal, nous aurions peut-être détecté un trou noir errant. Et on sait qu'il existe des rogue planètes, des planètes errantes qui se baladent dans l'espace. Et on pense que les trous noirs peuvent aussi dériver à travers la Voie lactée. Deux équipes américaines apportent ici ce qui pourrait être la première détection de ce type d'objet. Les chercheurs se sont appuyés sur le phénomène de micro-lentilles gravitationnelles. Lorsqu'un objet massif courbe le chemin de la lumière émise par un objet derrière lui. Grâce aux données du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont enregistré un événement le 20 juillet dernier. Un objet qui ne brille pas, qui n'est donc pas une étoile, qui est trop massif pour être une planète ou un nuage de gaz, d'une masse comprise entre 4 à 7 masses solaires, et qui se déplace rapidement entre 30 à 45 km par seconde. Mais il pourrait aussi s'agir d'une étoile à neutrons errante. Pour l'heure, impossible de tirer une conclusion sur la nature de cet objet mystérieux. Merci Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Quelle bien belle année astronomique que 2022, après l'envoi tardif mais réussi du James Webb Space Telescope, qui devrait livrer ses premières images au mois de juillet, après l'image du trou noir massif, supermassif central de notre galaxie Sagittarius A étoile. Voici donc qui est tombé hier le DR3, soit la deuxième partie de la troisième version du catalogue du télescope spatial Gaia européen, qui recense pas moins de 1,8 milliard d'objets dans l'univers, dans et hors de notre galaxie, une somme monumentale mise à disposition de toutes et tous et qui approfondit considérablement notre connaissance du cosmos et de ses différents objets, qu'il s'agisse de galaxies, d'étoiles simples, doubles ou multiples, mais aussi de quasars ou d'astéroïdes. La mission Gaia se poursuit, il y aura une quatrième et cinquième version attendue respectivement de ce relevé pour 2025 et 2030. Retour aujourd'hui près de 10 ans en arrière, au moment du lancement du satellite dans une fusée Soyouz depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. C'est notre archive du jour. 3, 2, 1, top, décollage. Lancement réussi pour la fusée Soyouz avec à son bord le satellite Gaia. Direction l'espace à 1 500 000 km de la Terre, une position qui sera atteinte d'ici un mois. Gaia, c'est en fait deux télescopes dotés chacun de trois miroirs incurvés, un petit bijou de technologie d'une précision sans égale, assemblé à Toulouse pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Sa mission, cartographier en trois dimensions 1 milliard d'étoiles au sein de notre galaxie, un atlas du ciel qui permettra aux scientifiques de mieux comprendre la formation et l'évolution de la Voie lactée. Pour tous les astronomes professionnels, il est inutile d'expliquer à quel point Gaia est fondamental. Tout le monde sait que lorsqu'on connaît les distances des étoiles, c'est la base de tout le reste de l'astronomie. Tout le monde est pressé d'avoir en main toutes ces données récoltées. Des données considérables. 6 centres seront en charge du traitement de toutes ces informations. Parmi eux, le CNES, l'agence spatiale française, qui s'est dotée d'une puissance de calcul de 6 milliards d'opérations par seconde. 400 scientifiques dans le monde entier pourront ensuite analyser toutes ces données précieuses et percer peut-être les mystères de l'univers. Voilà, reportage sur le lancement de Gaïa. C'était en 2013. Une réaction, peut-être, Christine Ducourant, à cette archive? Ah bah oui, bah parce que c'est un moment très très fort, hein, le moment du lancement. Alors je pense que François en dira encore plus que moi, mais ça représente déjà presque une dizaine d'années pour arriver au jour du lancement. C'est un travail en amont pour proposer la mission, pour établir le design de l'instrument afin qu'il atteigne les objectifs qu'on lui assigne. Et puis il faut que ça passe par les comités de sélection, que ça soit mis en œuvre. Donc c'est vraiment toute une communauté qui met tous ses espoirs dans cette réalisation. Donc oui, c'est un moment très fort. François Mignard. Oui, bah, c'est en premier lieu un souvenir personnel, puisque moi j'ai eu la chance d'être présent pour le lancement, puisqu'à ce moment-là j'étais responsable du DEPAC, dont on parlera tout à l'heure. Et donc c'est l'achèvement de la préparation, c'est le moment critique, puisque comme chacun s'en rappelle pour le lancement du James Webb il y a quelques mois, il y a toujours la crainte d'un lancement raté. Il y a eu un lancement raté il y a 2 jours par la NASA. Ils ont perdu 2 satellites un peu météorologiques, hein, parce qu'un lancement qui est devenu un peu routinier a raté. Donc les incidents de lancement, ça existe, donc il y a un pincement au cœur. Et puis au moment où il y a ce décompte et que les moteurs s'allument, que la fusée commence son ascension, et 10 secondes après, on entend la voix qui dit « tous les paramètres sont normaux ». Et là, on commence un peu à respirer, on a quelques minutes d'angoisse jusqu'au moment, plusieurs dizaines de minutes plus tard, où l'objet est arrivé à poste et que les tout premiers panneaux solaires ont été déployés, les éléments essentiels qui assurent la survie du satellite dans son trajet vers le point Lagrange L2 à 1,5 million km. Qui est le point d'ailleurs où a été envoyé également le James Webb Space Telescope. Peut-être qu'il faut rappeler, pour refaire un peu d'histoire, qu'il y a eu un précédent à Gaïa, un prédécesseur plus exactement, Hipparcos, qui lui a été lancé en 1989, Christine Ducourant. Ah bah oui, donc ça c'était la mission précédente. Donc là encore, c'était une espèce de mission, un exploit. Un exploit où on a lancé ce satellite qui avait en visée de mesurer extrêmement précisément, pour l'époque et avec la technologie de l'époque, plus de 100 000 étoiles. Donc ça n'était pas un relevé systématique comme fait Gaïa, qui lui mesure tout ce qui est détectable. Hipparcos pointait des sources qui lui avaient été compilées préalablement. Et donc, c'était le premier satellite astrométrique, et c'était le premier satellite qui a permis un bond dans la précision des mesures phénoménales. Alors, pour donner un ordre d'idée, quand on mesurait les premières mesures astrométriques d'astres sur le ciel, on les positionnait comme ça, on va dire à peu près un degré près. C'était les tout premières observations astrométriques, disons, de positionnement. Au fil du temps, évidemment, les méthodes, les instruments se sont affinés. Et puis Hipparcos, il a fait un bond gigantesque. Il arrivait à positionner, à mesurer, à localiser un homme sur la Lune. C'est une image. Et donc là, c'était un bond fantastique et ça a ouvert la porte à de nombreuses découvertes. Un mot également justement des progrès permis par Hipparcos, qui a un peu pavé la route en quelque sorte pour la mission suivante, qui est la mission Gaïa. François Mignard. L'apport d'Hipparcos, qui, comme on l'a dit, a ouvert la voie, c'est d'abord d'avoir démontré de façon parfaitement correct et avec conviction, je veux dire, que l'astrométrie spatiale était une discipline qui avait un avenir, puisque la sélection d'Hipparcos relève du miracle. Un certain nombre d'astronomes ne croyaient pas que c'était possible de faire ce type d'observation dans l'espace, ne croyaient pas qu'il était possible de construire un instrument qui avait la stabilité nécessaire pour faire ces mesures, et en gros, n'ont plutôt voté contre, si je voulais. Et au moment de la sélection à l'Agence spatiale européenne, il y a eu quasiment un changement de classement par le directeur de l'agence, qui a dit finalement, qui a mis son poids dans la balance en disant « il nous faut absolument cet instrument ». Et donc l'instrument a été lancé au prix de cette longue période de sélection semée d'embûches réellement, Et il y a eu un incident majeur au lancement. J'évoquais un instant des lancements qui ne marchent pas toujours. C'était le cas d'Hipparcos. Hipparcos est un double miraculé. Il a été miraculé dans la sélection. Il a été miraculé puisque le moteur qui devait l'amener sur son orbite ne s'est pas allumé. Donc on pensait le lendemain du lancement, c'est le 8 août 1989, que la mission était terminée. Et donc il y a une adaptation et ça a donné ce qu'on espérait en particulier. Vous avez évoqué le point essentiel d'Hipparcos, qui était les mesures de distance. La distance, c'est le graal des astronomes. La première distance d'étoile qu'on a obtenue de façon convaincante, c'est-à-dire qui a satisfait l'ensemble des astronomes en disant « Ah oui, là, on a vraiment mesuré une distance », c'est de 1838. C'est donc très récent à l'échelle d'une science qui a plusieurs millénaires d'histoire. Et avant Hipparcos, on avait raisonnablement 5 à 6 000 distances d'étoiles à partir desquelles on construisait toute l'astrophysique, puisque sans les distances, on manque énormément d'informations sur les étoiles. Hipparcos est lancé, il y a 100 000 distances qui sont obtenues, dont 20 000 avec une bonne précision. Donc en ce sens, ça a servi à convaincre tous les astrophysiciens que les mesures astrométriques étaient une nécessité pour le développement de l'astrophysique. Donc il a ouvert plus qu'une voie, mais une voie royale. Oui. C'est très important, hein, Christine Ducourau, ce que dit François Mignard, parce que effectivement, l'astrométrie, c'est-à-dire mesurer la distance des astres, eh bien, ça, c'est aussi vieux que la civilisation humaine, mais c'est une discipline qui était tombée un peu en désuétude, faute précisément de technologie et de précision suffisante. Et c'est avec Hipparcos et surtout aujourd'hui de manière éclatante avec Gaïa qu'on s'est rendu compte que l'astrométrie était une voie d'avenir et surtout qu'elle était essentielle aujourd'hui. Et c'est ce que l'on constate une fois de plus avec le relevé dont on va parler dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Alors cette précision en astrométrie, ces distances, alors les distances, c'est la clé. Comment distinguer un astre qui est distant et qui est très lumineux d'un astre qui est proche et qui est peu lumineux? On n'a aucun moyen. Donc pour caractériser les objets, pour comprendre la physique stellaire, on a définitivement besoin des distances. Et les distances directes, comme l'ont mesuré Hipparcos et puis Gaïa par la suite, c'est ce qu'on appelle des parallaxes trigonométriques. Et ça, c'est la seule méthode directe qui ne fait appel à aucune hypothèse sur la nature des objets. Donc c'est grâce à elle qu'on établit, si vous voulez, le premier échelon qui va nous permettre de construire ce qu'on appelle l'échelle des distances, qui nous permettra de positionner tous les astres dans une sorte de carte 3D de l'univers, en quelque sorte. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de cette troisième version du relevé astronométrique du satellite européen Gaïa en compagnie de Christine Ducourant et François Mignard. Alors, du coup, on a entendu un peu dans l'archive, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, François Mignard, exactement ce que c'est que ce satellite Gaïa, ce télescope, de quoi est-il composé, comment travaille-t-il en fait, avec quels outils? François Mignard. Oui. Ah, voilà, je vous ai récupéré. Voilà. Pour avoir l'astrométrie dans l'espace, on peut envisager plusieurs techniques. En lançant un instrument, on peut avoir un instrument qui va pointer précisément des objets, il s'arrête dans son mouvement et il pointe pendant le temps qu'il faut pour acquérir de l'information. Et puis après, il va pointer un autre objet. Donc là, on a une petite région du ciel et on est éventuellement capable de voir des déplacements d'un objet par rapport aux autres objets qui sont dans le champ. C'est pas la solution adoptée, elle a beaucoup de défauts pour faire de l'astrométrie au sens global, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de proprement déterminer les distances. Donc la solution choisie, c'est la solution qui a été proposée déjà avant Hipparcos par l'astronome français Pierre Lacroute, qui était à l'époque directeur de l'Observatoire de Strasbourg, dès 1965, a proposé le concept qui est appliqué aujourd'hui avec Gaïa. Donc l'idée, c'est d'avoir un instrument qui est en rotation permanente. On ne s'arrête pas, on ne fait pas comme le James Webb. Gaïa tourne sur lui-même en permanence et donc voit des morceaux de ciel, des fuseaux de ciel ou des pelures d'orange de ciel au fur et à mesure de sa rotation. Et il revient au même endroit tous les 2 mois environ. Donc une étoile est observée et puis 2 mois après, on va revenir à peu près dans le même coin, mais pas en tournant de la même manière. Donc c'est cette idée-là qui a été appliquée avec, incluant, 2 directions d'observation simultanées, c'est ça qui permet d'avoir des distances de façon quasi absolue. qui était le point clé. Donc Gaïa est équipée de deux télescopes, qui sont de taille moyenne pour les standards terrestres, des tailles importantes pour les standards spatiaux, 1m40 dans une des dimensions, 40 cm dans l'autre, donc c'est déjà des beaux instruments. Et ces deux télescopes donc collectent la lumière, et elle est utilisée avec trois instruments, c'est-à-dire trois types de détection. Il y a une détection qui va servir à mesurer la position, donc un certain nombre de détecteurs électroniques qui sont spécialisés pour cette partie-là, d'autres détecteurs qui vont éclater légèrement la lumière pour avoir une résolution sur les couleurs, alors résolution légère, de façon à continuer à avoir beaucoup de photons pour chaque couleur, et un autre instrument qui est le spectroscope, qui lui éclate la lumière de façon beaucoup plus étendue, mais donc on perd beaucoup de photons dans chaque couleur. Alors c'est un compromis, bien sûr, puisque c'est pas les mêmes objectifs qu'on peut avoir avec ces différents instruments. Donc il y a trois instruments à bord qui observent le ciel de façon continue, et collecte chaque jour, c'est là où ça devient impressionnant, hein, il y a chaque jour 70 millions d'objets qui sont détectés, ce qui donne 600 millions de mesures en astrométrie, en photométrie de couleur et en spectroscopie, qui sont envoyées au sol chaque jour, oui. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça fait des volumes absolument considérables qui arrivent au sol, et ces données, bah, c'est ce qu'on appelle les données brutes, qui vont être ensuite transformées par ce fameux DEPAC pour en faire des données que les astronomes vont trouver cette fois-ci intelligibles, alors que les données initiales ne sont sans intérêt, dès l'instant on ne comprend pas comment elles ont été obtenues et qu'on ne sait pas comment les transformer en distance, en mouvement, en position, en couleur, en identification de quasars, puisqu'on va en parler. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ce que va faire ce groupe de traitement au sol, ce qu'on appelle le segment sol de Gaïa, que moi j'ai tendance à appeler le quatrième instrument de Gaïa, parce que sans cet instrument, on ne peut rien faire. L'instrument humain, hein, je rappelle le DEPAC, Data Processing Analysis Consortium, qui réunit 450 personnes, ingénieurs astronomes, dans 160 instituts autour de la planète, sur 24 pays. Peut-être un mot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Christine Ducourant, sur l'instrumentation de Gaïa? Plus précisément, on va avoir un reportage dans quelques secondes sur l'un de ces trois instruments, qui est le spectrographe RVS. Bon, ben non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Tout a déjà été très bien dit par François Mignard. Hein, cet instrument, ces instruments, c'est les trois grands domaines de l'astronomie qui sont réunis sur un seul satellite. Et c'est pour ça que c'est extrêmement performant. Astrométrie, photométrie, spectroscopie. On a tout pour connaître les objets qu'on observe. Et bien justement, gros plan sur l'un de ces trois instruments, le spectrographe RVS, pour lequel vous êtes rendu à l'observatoire de Meudon. Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Nicolas. Il s'agit du RVS, pour Radial Velocity Spectrometer. Cet instrument spectroscopique permet de caractériser les propriétés des étoiles les plus brillantes, comme leur composition chimique, mais surtout, comme son nom l'indique, il permet de caractériser la vitesse radiale des étoiles. C'est une des composantes de la vitesse spatiale, et cela permet donc d'étudier comment se déplace chaque étoile par rapport au Soleil. J'ai rencontré Paola Sartoretti, ingénieure de recherche CNRS. Elle est responsable du traitement des données de ce spectrographe, et elle nous explique son fonctionnement, ce qu'il a permis d'obtenir dans ce catalogue, et ce qu'il nous permettra d'acquérir dans les années à venir. La spectroscopie est l'une des techniques les plus courantes en astronomie. Donc, les spectres stellaires en particulier nous permettent de déterminer de quoi sont faites les étoiles, leur température effective, à quelle vitesse elles tournent et à quelle vitesse se déplacent. Et tous les spectres montrent la même chose. C'est comment la luminosité varie en fonction de la couleur ou de la longueur d'onde. Et la lumière émise par les gaz chauds donc se déplace vers l'extérieur, vers nous, et elle passe à travers l'atmosphère, les couches supérieures qui sont plus froides. Et ici, les atomes et les molécules de l'atmosphère absorbent des longueurs d'onde du spectre continu émis. Et la chose importante est que chaque atome, molécule présente dans l'atmosphère, absorbe des spécifiques longueurs d'onde et donc laisse la signature dans le spectre de l'étoile. Donc, si on reconnaît les raies d'absorption de ces éléments, on peut savoir que ces éléments existent. En plus, en mesurant l'intensité relative des rayons d'absorption et avec l'appui des modèles théoriques, on peut déterminer la composition chimique de l'étoile. Un des objectifs de ce spectrographe, c'est de pouvoir identifier quelle est la composition des étoiles, mais aussi leur vitesse relative, c'est son nom d'ailleurs, son nom provient de là. C'est la vitesse radiale, justement. C'est le but principal du spectrographe de Gaïa, que les noms l'évoquent, Radial Velocity Spectrometer en anglais. C'est de mesurer les vitesses radiales des étoiles. La vitesse radiale, c'est la vitesse relative entre l'étoile et l'observateur. Et elle est mesurée grâce au décalage des rayons spectrales. Donc si on compare les spectres, la position, les longueurs d'onde des rayons d'absorption du spectre de Gaïa ou d'un spectre stellaire, on les compare avec la position qu'elle devrait avoir en laboratoire. Donc si le décalage est vers le rouge, donc le décalage vers les longueurs d'onde plus grandes, alors l'étoile s'éloigne de nous. Et si le décalage est vers le bleu, l'étoile s'approche de nous. Et ce décalage des rayons spectrales nous permet de mesurer la vitesse de l'étoile comparée à nous. Et c'est ça la vitesse radiale qu'on mesure dans le spectre Gaïa. Et de quoi le spectromètre est-il constitué? Quelles sont les différentes parties? Il est constitué d'un réseau entouré de quatre lentilles prismatiques. Après, la lumière qui rentre dans un des deux grands miroirs, donc la lumière réfléchit dans plusieurs miroirs avant d'arriver au spectrographe, la lumière après dispersée et renvoyée dans la caméra, qui dans le champ focal contient 12 CCD dédiés au RVS. La chose importante là qu'il faut mentionner, je pense que le spectrographe RVS, la particularité la plus impressionnante, est qu'il observe en moyenne 170 spectres par seconde. Et c'est grâce justement au mode d'observation de Gaïa qui est un balayage continu, elle observe tout le ciel. Et c'est un peu différent des autres télescopes qui observent en mode pointage. Donc dans les autres télescopes, on choisit les étoiles observées, on pointe, on expose les temps qu'on choisit. Et voilà, et le Gaïa par contre observe tous les ciels. Quelle est l'importance justement des données apportées par le RVS pour cette nouvelle plage de données, le DR3, ce nouveau volet d'informations de cartographie? C'est vrai que ce nouveau catalogue contient pour la première fois beaucoup d'informations astrophysiques extraites du spectre RVS. Donc, premièrement, beaucoup plus d'étoiles avec vitesse radiale qui permettra une cartographie à des distances de nous inédites, une cartographie des mouvements. Il y a aussi, pour la première fois, 3,5 millions d'étoiles avec vitesse de rotation. Et il y a donc des étoiles avec luminosité RVS, des paramètres stellaires, composition chimique. Et donc ça va être beaucoup de données vraiment qui vont permettre beaucoup de découvertes dans les prochaines années. Et dans le futur, on va continuer justement à processer des étoiles de plus en plus faibles. Et d'autre côté, on va aussi publier pour la première fois les vitesses d'époque, que c'est-à-dire chaque étoile est observée par les RVS environ 8 fois par an. Pour toutes ces fois, on obtient une vitesse radiale et donc pour les DR4, on va publier aussi toutes les vitesses radiales obtenues dans chaque observation de l'étoile. Ces données vont permettre aussi l'étude des variabilités. On pourra voir si la vitesse est constante, si elle varie, comment elle varie. Et donc il y aura encore plus de données dans les prochains catalogues. Voilà le reportage sur ce spectrographe RVS. Encore plus de données dans le catalogue, toujours plus de données puisque c'est le principe de Gaïa. C'est une mission cumulative, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Christine Ducourant. Alors moi je reviens sur la vitesse radiale tout bêtement. C'est parce que sans vitesse radiale, le ciel nous reste comme une voûte étoilée. Dès qu'on a la vitesse radiale et qu'on a mesuré également le mouvement apparent des étoiles, comment elles se déplacent sur la voûte céleste, et bien là, on est capable de savoir comment elles bougent vraiment dans l'espace. Et c'est, ça, c'est la base pour étudier ce qu'on appelle la cinématique galactique. Comment bougent les étoiles dans notre galaxie? Alors, dans le disque, est-ce qu'elles bougent de la même façon que les étoiles du halo? Non. Ça, c'est vraiment une donnée extrêmement importante et qui permet d'avancer. Et du coup, on a ces vitesses radiales et puis on a ces compositions chimiques qui, elles, vont permettre de comprendre un peu à quel type d'étoiles on a affaire, à quel degré d'évolution elles en sont. Et là, ça va nous permettre d'étudier la structure de la galaxie. On va combiner finalement l'endroit où elles se trouvent, la façon dont elles bougent, on va les sélectionner un peu et on va comprendre un petit peu la structure de notre galaxie. Donc oui, c'est extrêmement important. François Mignard, votre réaction ? Alors, ce qu'a dit Paola Sartorietti, elle a bien insisté sur les deux fonctions, la fonction analyse chimique, composition des objets, et la fonction vitesse radiale. Il faut savoir que la spectroscopie, en astronomie, c'est une arrivée récente, c'est un nouveau venu à l'échelle de l'histoire d'astronomie. On fait des examens spectroscopiques des étoiles pour avoir l'identification des éléments chimiques depuis 1865, c'est donc pas très vieux. On fait des vitesses radiales, c'est-à-dire qu'on a mesuré la première vitesse radiale d'étoiles en 1890, donc un peu plus d'un siècle, guère plus. Et à cette époque, les astronomes considéraient que c'était pas un instrument astronomique, que ça n'avait pas d'avenir pour l'astronomie, que c'était un instrument de physique, que ça les concernait pas. Et l'apport du spectroscope, déjà de décider de mettre un spectroscope à bord de Gaïa, a fait l'objet de discussions. C'est la première fois qu'on mettait un spectroscope dans un instrument qui était fondamentalement un instrument d'astrométrie. Et cet apport, il correspond à l'apport qu'a eu la spectroscopie dans l'astronomie. Sans la spectroscopie telle qu'elle a commencé à la fin du 19e siècle, l'astronomie d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle serait, ça serait un monde totalement différent. C'est un outil aussi révolutionnaire que le démarrage des télescopes au début du XVIIe siècle. C'est une autre page instrumentale de l'astronomie qui a la même importance que celle du télescope. Et on va bien commencer, on va l'ouvrir ce fameux relevé, la troisième version du relevé de Gaïa DR3. On va regarder ce que Gaïa nous raconte de l'univers. Vous allez voir, c'est riche, c'est dense, c'est, je l'emprunte à François Mignard, je le disais tout à l'heure dans l'introduction. On parlera encore au 22e siècle de ce relevé de Gaïa quand on parlera d'astronomie. On vous raconte tout ça dans quelques secondes musicales. Ra ra ah ah ah, rum ah rum ah ma ga ga, ooh la la, what you been romance? Et oui, Bad Romance de Lady Gaga. Lady Gaga, ça s'est joué à une lettre près, la preuve du mauvais goût musical collectif de l'équipe de la méthode scientifique. Mais voilà, on va revenir à notre sujet du jour, et donc à Gaïa, ce télescope spatial qui vient de publier la troisième version de son grand relevé astrométrique. C'était hier, on vous en parle dès aujourd'hui avec Christine Ducourant, qui est astronome adjointe au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et François Mignard, directeur de recherche émérite au CNRS et président de la participation française à Gaïa. Alors ouvrons-le, ce fameux DR3 publié hier par la DEPAC. Christine Ducourant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de plus que le DR2 qui était la deuxième version de ce relevé publié il y a quelques années maintenant? Bon, alors la DR2, c'est, alors si on peut dire, la première data release, c'était un peu un avant-goût. On publiait, ça, c'était en 2016, et on publiait juste des positions et des magnitudes apparentes de un peu plus de 1 milliard d'étoiles. Donc ça, c'était pour dire, voyez, ça vient, ça arrive. La DR2, ça a été la première data release qui contenait les données astrométriques qui intéressent la communauté astronomique. C'était 1,7 milliard d'étoiles pour lesquelles on publiait, en plus des positions et magnitudes apparentes, eh bien un mouvement propre, c'est-à-dire un déplacement angulaire sur la sphère céleste, une estimation de la distance et puis des indices de couleur. Donc on commençait à avoir déjà quelque chose qui permettait de faire de l'astrophysique avec ces objets. Donc maintenant, si on arrive à la DR3, elle aura été publiée en deux parties. En 2020, on a publié l'équivalent, on va dire, de la DR2, c'est-à-dire position, astrométrie, mouvement et couleur, pour un peu plus d'étoiles. On en avait 1,8 milliard. Et puis, dans la deuxième partie, qui vient d'être déposé hier, eh bien on rajoute, on en a parlé, des vitesses radiales. Alors on a des vitesses radiales pour 33 millions d'étoiles. On a des courbes de variabilité pour 10 millions d'objets. Alors ça, c'est extrêmement important, puisque ça permet également d'estimer des distances. Donc pour calibrer ces relations, on a besoin d'étoiles variables. Ça fait une classification presque de 1,6 milliard d'objets. C'est une naine blanche, c'est une naine brune, c'est une galaxie, c'est un quasar. Donc voilà, il y a tout un travail qui a été fait. Et puis on a des paramètres astrophysiques qui sont déduits des observations spectroscopiques. Alors ça va de l'âge, de la masse, de la température. Et puis on a aussi, alors ça c'est une nouveauté également, on a des étoiles multiples. Donc on a des orbites, enfin on a 800 000 étoiles multiples. Alors c'est une première livraison. On attend plutôt dans la DR4 d'avoir la livraison complète. Donc voilà, on a des tas d'astéroïdes qui n'avaient jamais été détectés. On a 160 000 astéroïdes dans cette livraison, avec tout un tas de paramètres des spectres qui nous parlent de la composition. Et puis, on a également la livraison d'un catalogue extragalactique, c'est-à-dire on a près de 6,5 millions de quasars et 4,8 millions de galaxies. Pour une partie d'entre eux, on a des redshifts. Alors le redshift, c'est également mesuré dans le spectre pour ces objets extrêmement distants. Le décalage vers le rouge, c'est donc la distance et la vitesse d'éloignement par rapport à notre Voie lactée. Exactement, voilà. Et on a aussi de la morphologie, c'est-à-dire pour une sélection d'un million, eh bien, on a comme ça le profil morphologique de la brillance de ces objets. Est-ce que c'est elliptique? Est-ce que c'est plutôt circulaire? Est-ce que c'est trépiqué au centre? Voilà. Donc, je crois vous avoir résumé à peu près tout ce qui se trouve dans cette DR3. Ouais. François Mignard, un mot. Vous voulez compléter ce que vient de dire Christine Ducourant? On peut préciser que évidemment tout ça est un travail colossal, que c'est une quantité de données colossale qui, comme on l'imagine, va donner un travail pendant des années, voire peut-être des décennies à la communauté astrophysique. Oui, on peut situer, puisque ces nombres sont toujours impressionnants, mais les nombres en eux-mêmes sont un peu secs si on ne les rapporte pas à quelque chose d'un peu connu. Donc, regardons, prenons les vitesses radiales. Christine Ducourant a signé qu'elle avait 34 millions. À la livraison précédente, on avait 7 millions, c'était le premier essai de traitement. Mais les vitesses radiales, comme j'ai dit, ça commence en 1890. Allez, dans les années 1950, on en a quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Et juste avant Gaïa, c'est-à-dire 100 ans d'efforts de relever au sol pour avoir des vitesses radiales, on arrivait péniblement à quelques centaines de milliers, avec des télescopes qui ont été spécialisés pour ces données, des gens qui ont passé des heures à dépouiller des spectres. On était arrivé, après un siècle d'observation, à quelques centaines de milliers de vitesses radiales. Mais François Mignard, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement pourquoi c'est si important et qu'est-ce que c'est exactement que ces vitesses radiales et pourquoi c'est si important de les obtenir et de les obtenir avec cette quantité impressionnante? La vitesse d'un objet, c'est une quantité qui a trois dimensions. On voit l'objet se déplacer sur le plan du ciel. C'est ce que voient les astronomes avec leurs mesures d'angle. Hein. Mais on sait bien qu'on est un peu unijambiste en faisant ça. On ne voit qu'une partie de la vitesse. On ne voit pas la vitesse de rapprochement et d'éloignement. Donc la spectroscopie a amené cet élément complémentaire. Donc c'est ce qui complète le déplacement des étoiles, le vrai déplacement, le déplacement dans l'espace à trois dimensions. Oui. Si on n'a pas cet élément, on ne peut pas, par exemple, étudier correctement la rotation d'ensemble de la galaxie. On ne peut pas propager la position des étoiles sur plusieurs milliers d'années. Et voilà, si on n'avait que la vitesse radiale, on dirait comment on pourrait faire pour mesurer la vitesse qui n'est pas radiale. Ça serait un manque terrible. Et le progrès, ça serait, on a trouvé le moyen de mesurer la vitesse qui n'est pas radiale. Voilà. Oui. Donc c'est un manque et il faut compléter ce manque par une technique qui n'est pas la même que celle de l'astrométrie, puisque le déplacement sur la ligne de visée ne peut pas être obtenu par la position d'un objet à deux époques, hein, puisque la variation de distance n'est pas mesurable encore par les astronomes. Dans le principe, c'est comme ça qu'on pourrait faire, mais aujourd'hui on ne sait pas le faire comme ça. Donc c'est très important d'avoir la vitesse radiale pour compléter cet élément. Alors en plus, en elle-même, elle contient aussi beaucoup d'informations sur la galaxie, puisque la façon dont on se déplace relativement à une autre étoile, c'est une combinaison des deux mouvements autour de la galaxie. Donc la vitesse radiale contient une information sur ce mouvement des deux objets autour de la galaxie. Après, il y a, comme on l'a dit, pour les quasars, pour les objets cosmologiques, c'est avec les spectroscopes qu'on obtient effectivement cette vitesse radiale à très grande distance. C'est très spécialisé, il faut des instruments au sol dédiés pour ce type d'activité. Hein. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ça. Donc pour rester dans ce catalogue, puisqu'on est dans ces chiffres, donc je disais, donc c'est 34 millions, ils ont succédé aux quelques centaines de milliers qu'on avait juste avant Gaïa. Donc c'est un changement complet pour les astronomes. D'un seul coup, pratiquement, toutes les étoiles qui les intéressent, et ça sera plus vrai à la fin de la mission Gaïa, mais la plupart des étoiles qui les intéressent, ils vont avoir, avec la base de données Gaïa, la vitesse radiale. Hein, ils vont toquer à la porte de Gaïa, ils vont marquer sur l'écran de l'ordinateur « Je voudrais la vitesse radiale des étoiles plus brillantes que telle magnitude, juste dans quelle direction ?» Et hop, l'ordinateur va leur cracher la liste de vitesse radiale. Ce qui était impensable il y a 10 ans. Impensable. Il y a plusieurs choses qu'il faut préciser. On vient de reposter sur notre fil Twitter, évidemment, cette image qui est une reconstitution très très impressionnante du ciel nocturne avec la ligne de la Voie lactée et les deux petits et grands nuages de Magellan que l'on voit, les deux petites taches violettes en dessous. Ce qu'il faut préciser également, Christine Ducourant, c'est que toutes ces données-là sont librement accessibles. Elles sont en open access, c'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès. Ah ben tout à fait. Donc ça, c'est le principe de base des catalogues Gaïa, c'est-à-dire que tous les astronomes de la planète et tous les particuliers peuvent accéder via le site de Gaïa, de l'archive Gaïa. D'ailleurs, hier, durant l'ouverture de l'archive à midi précise, on a vu en direct le nombre de requêtes sur ce site de toutes les personnes qui étaient intéressées, qui déjà chargeaient des données. Donc voilà, donc ça c'est librement accessible à tous. Et il n'y a pas de... Voilà, donc la science, elle va commencer maintenant, on va dire, en quelque oui, sorte. Oui, c'est ça. Et justement, alors Christine Ducourant, ces données, elles vont être exploitées, elles vont être épluchées. Concrètement, comment est-ce que des astronomes ou des astrophysiciens, François Mignard vient de nous en donner un exemple, mais comment est-ce que ces données peuvent-elles exploiter aujourd'hui pour qu'on comprenne bien l'ampleur de l'enjeu scientifique que représente ce relevé Gaïa qui, encore une fois, va se poursuivre dans les années à venir. On en reparlera dans quelques secondes. Bon, alors il y a énormément de choses à dire. Vous avez mentionné les nuages de Magellan, oui. Donc ces deux petites galaxies satellites qui sont juste à côté de la Voie lactée. Là, on a réussi à mesurer grâce à Gaïa, pour la première fois, eh bien, des mouvements des étoiles dans ces galaxies. On a distingué divers types de populations, des populations jeunes, des populations anciennes. On voit tourner, on peut faire la carte des mouvements dans cette galaxie qu'on voit, le grand nuage qu'on voit de face, donc qui est une galaxie, c'est un disque. C'est la seule qu'on est capable de résoudre en étoile, à part la nôtre, mais la nôtre, on est inclus dedans. Donc c'est difficile d'en avoir une vue d'ensemble. Et donc, par exemple, on s'aperçoit qu'on est en train de voir un pont d'étoiles qui relie le petit nuage au grand nuage. Et autant le grand nuage, il tourne bien, comme une galaxie avec une petite barre au centre, autant le petit nuage de Magellan, on voit que c'est des mouvements un petit peu plus désordonnés. Et surtout, on voit un courant d'étoiles. Entre guillemets, le grand nuage de Magellan est en train de siphonner le petit, est en train de l'incorporer. Donc voilà ce genre de découverte qu'on peut faire seulement grâce à Gaïa. Il y a également, François Mignard, un recensement très complet à l'intérieur de notre galaxie, des étoiles proches du Soleil, 331 312 étoiles précisément situées à moins de 100 parsecs. Là aussi, et puis avec les vitesses radiales, on connaît leur mouvement à l'intérieur de la galaxie. Là aussi, c'est une mine d'informations extrêmement précieuse pour comprendre notre environnement stellaire direct. Oui, bien sûr, ce recensement, c'est ce qu'on appelle des recensements complets. C'est-à-dire on essaie de connaître la composition en étoile, en l'occurrence, complète jusqu'à une certaine distance. Ça veut dire que à cette distance, les étoiles les plus faibles, en l'occurrence ce sont des naines blanches, apparaissent très faibles. Elles sont à la limite de détection par Gaïa. C'est ce qui fixe d'ailleurs la distance 100 parsecs, c'est-à-dire 300 années-lumière en gros. À cette distance-là, les étoiles les plus faibles qui existent, à peu près, pas tout à fait, mais presque, sont à la magnitude limite pour Gaïa. Donc recenser le voisinage solaire, ça s'est fait dès qu'on a commencé à mesurer des distances. Et avant Hipparcos, il y avait un catalogue du voisinage solaire jusqu'à une quinzaine de parsecs. Hipparcos en a fait un jusqu'à 25 parsecs. Et on s'aperçoit avec le temps, bien évidemment, que dans les deux cas, on a inclus dans ce voisinage solaire des étoiles qui n'étaient pas à cette distance-là, qui étaient à l'extérieur, et on en a omis qu'on n'avait pas détecté parce que les instruments n'étaient pas assez sensibles. Donc, recenser de façon exhaustive, c'est avec ça qu'on fait des statistiques complètes, c'est-à-dire qu'on évite des biais dus à des absences venant de l'instrumentation. Alors, avec Gaïa, on pense que, et il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, maintenant avec 300 000 jusqu'à 100 parsecs, on pense que, au moins jusqu'à la magnitude 20.7, qui est celle de Gaïa, la limite, on a identifié tous les objets. On a la distance de tous les objets. Alors, on n'a pas la vitesse radiale de tous les objets parce que certains sont trop faibles pour être vus dans le spectroscope. Hein. Donc, il y aura des observations spécialisées au sol puisque le nombre, il est grand, mais il est atteignable éventuellement en faisant des observations spécialisées pour compléter les vitesses radiales des objets les plus faibles. Et donc, Gaïa a effectivement livré avec la EDR3 un catalogue séparé de l'environnement solaire. Il y a beaucoup d'objets différents, beaucoup de galaxies. On a parlé des candidats quasars également. Avec vous, Christine Ducourant, peut-être un mot sur quelque chose qui est aussi vraiment rendu possible par ce nouveau relevé Gaïa et qui est strictement passionnant. C'est une recherche sur la recherche de l'antigravitationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ah ben oui. Les lentilles gravitationnelles, donc c'est ce phénomène où on a un quasar extrêmement distant mais extrêmement brillant, dont la lumière va nous parvenir, mais sur le chemin il y a une masse. Ça peut être une galaxie, un groupe de galaxies, et du coup, ça c'est la relativité générale qui prédisait que une masse va courber grosso modo l'espace-temps autour, et donc que les photons qui nous viennent de ce quasar d'arrière-plan, ils ne vont pas aller en ligne droite, mais ils vont être déviés. Et selon la géométrie, disons l'alignement entre le quasar, la galaxie et nous, on va voir deux images du quasar d'arrière-plan, ou on en verra quatre, par exemple. Donc voilà. Et alors Gaïa, c'est un instrument qui est parfait pour les lentilles gravitationnelles, parce que ce phénomène, c'est quand même un phénomène qui n'est pas énorme, ce n'est pas très grand, et la séparation généralement de ces images, elle est de l'ordre d'une seconde de degré. Et ça, C'est à peu près la limite qu'on est capable de séparer deux images d'étoiles proches. On n'arrive pas si elles sont plus proches que une seconde de degré. Donc il y a toute une partie des lentilles gravitationnelles qu'on ne peut pas voir depuis le sol. Depuis le sol, on voit juste une tache. Alors que Gaïa, lui, a la possibilité de le résoudre. Alors après, la difficulté, c'est qu'on a 1,8 milliard sources dans la Gaïa DR3. Comment on trouve 4 petites images du même quasar d'arrière-plan qui sont toutes proches les unes des autres? Et alors, pour arriver à les identifier, eh ben, il faut mettre en marche des gros algorithmes d'intelligence artificielle qui apprennent les petites configurations typiques de ces 4 images qui ne tombent pas au hasard, mais qui sont réparties d'une façon très spécifique, de l'éclat des 4 images qui, là non plus, n'est pas au hasard. On a une petite amplification par rapport à l'éclat naturel du quasar d'arrière-plan. Et donc, il faut combiner tout ça pour arriver à sélectionner, on va dire, des candidats, c'est-à-dire, voilà, là, cette configuration, elle a des bonnes chances d'être une lentille. Alors après, il faut le valider, et ça sera via des observations au sol, de spectroscopie fine, qui va prouver que le spectre des 4 images est strictement le même. Oui, ce sont notamment vos travaux, Christine Ducourant, sur la croix d'Einstein et sur un autre mirage gravitationnel découvert en 2002. Si je ne me dis pas de bêtises, et vous me corrigez bien entendu si j'en dis, Christine Ducourant, sur le DR2, on a réussi à découvrir 14 nouveaux mirages gravitationnels. Donc on voit bien à quel point c'est une aiguille dans une botte de foin par rapport à la quantité d'objets et par rapport aux quasiment 2 milliards d'objets qui ont été identifié dans ce relevé. Tout à fait. Donc il y a tout un petit consortium qui s'est monté autour de cette question scientifique, trouver les lentilles, parce que jusqu'à présent c'est un peu des découvertes fortuites. Alors je pense que depuis 5-6 ans, il y a plein de gens essayent d'exploiter les grands surveys au sol, mais avec la limitation que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver les petites configurations compactes qui sont les plus nombreuses. Et donc là, nous, on a analysé ce catalogue Gaïa, c'était la DR2. Et alors, ça paraît pas beaucoup de dire on en a trouvé, alors je sais plus à l'époque, c'était 14, sauf que on en connaissait 44. Donc on en a augmenté de 30% le nombre connu. Donc vous voyez, grâce à Gaïa, on peut faire un pas. Alors là, c'est juste un pas parce que la DR2 ne bénéficiait de seulement 22 mois d'observation. Comme l'a dit François Mignard, ce sont des observations répétées et plus on répète et plus on précise la position. Donc, on attend beaucoup de la DR4, de la DR3 bien sûr, d'avoir des positions encore plus précises, des sources encore mieux séparées, pour en identifier. Alors on espère en trouver un petit millier dans les données de Gaïa. Ce sont les estimations théoriques. Alors justement, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, François Mignard, qu'est-ce qu'on peut attendre avec un relevé déjà aussi riche des deux prochaines data release de la DR4 et de la DR5 qui sont attendues, je crois, pour 2025 et 2030? Voilà, c'est à peu près les dates que l'on prévoit aujourd'hui. J'espère qu'on en sera capable de les tenir, mais ça sera au voisinage de ces dates-là. Donc, comme on l'a dit, on a traité là 34 mois de données. On a commencé en juillet 2014, c'est-à-dire qu'au sol, aujourd'hui, les données qui sont là, il y en a 95 mois déjà. Elles sont là. Même si le satellite s'arrête demain, les 95 mois de données sont déjà au sol. Donc, on a de quoi traiter beaucoup plus que ce qui a été fait. La DR4 sera basée sur 66 mois. Vous allez me dire pourquoi on ne fait pas les 96 mois. Ben, tout simplement parce que la DR4, elle est commencée déjà depuis un an. Oui. Ça fait un an que les travaux initiaux ont commencé. Et c'est une procédure très longue de traiter ces données. Et la DR5, prévu pour 2030, exploitera l'ensemble des données, c'est-à-dire en gros 120 mois. Donc on voit le rapport et on voit bien évidemment les améliorations qui vont en résulter. Les distances vont s'améliorer légèrement puisqu'on a déjà beaucoup d'observations et que ça s'améliore pas vite. En revanche, les déplacements, les déplacements sont basés sur la quantité d'observations, mais surtout sur la longueur, pendant quelle durée et le nombre d'années entre le premier point et le dernier point. C'est beaucoup plus facile d'avoir une vitesse lorsqu'on a deux points très éloignés. Donc là, ça va s'améliorer d'un facteur environ 2. Tout ce qui concerne les orbites, les astéroïdes, les binaires, les exoplanètes, tout ça, ça va bénéficier considérablement des 10 ans de la mission. Et pour rester sur ça, je voulais justement donner encore un petit nombre, si vous me permettez, concernant cet impact. Si vous prenez l'histoire de l'astronomie, se raccourcit pendant l'astrométrie spatiale, de l'astrométrie des Grecs, donc il y a 2000 ans, à l'astrométrie pré-spatiale, juste avant Hipparchos. C'est une longue histoire, hein. On est passé des astrolabes, des instruments cuivre, des roues, des observations à l'œil nu, les premières lunettes, les télescopes, des choses qui semblaient très très élaborées au 19e siècle, des gros télescopes au 20e siècle. En gros, on a amélioré la précision de l'observation astronomique de ce qu'on appelle environ un facteur 4 ordres de grandeur, donc un facteur 10 000. Un ordre de grandeur, c'est 10 fois meilleur, ou 10 fois plus léger, ou 10 fois plus gros, tout ce qu'on veut. C'est un facteur 4 dans cette, entre 4 et 5. On est passé d'un demi-degré à une fraction de seconde, 0,2 secondes, 0,3 secondes. Et depuis l'ère spatiale, c'est-à-dire simplement 40 ans d'observation, on va avoir fait avec Gaïa 5 ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'en 40 ans, avec une technologie totalement nouvelle, on a fait le même progrès en termes de précision d'observation. L'astronomie, ce n'est pas que ça, c'est autre chose. Il n'y a pas que cette partie-là. L'observation planétaire, les expéditions sur la Lune, les expéditions directes vers les comètes, c'est un autre aspect. Mais on a fait quasiment le même progrès, même un peu plus, en 40 ans, avec des techniques spatiales, des techniques informatiques modernes, que toute l'histoire de l'astronomie d'observation n'en avait fait des Grecs jusqu'à 1980. Donc ça montre bien l'impact de l'accès à l'espace et des technologies qui vont avec. Tout ça est impossible sans le progrès informatique. Ça va avec. Et puis on imagine bien que le progrès informatique va être d'autant plus important que la quantité de données à analyser va être elle aussi conséquente sur ces centaines de mois d'observation de Gaïa. Un mot de conclusion, Christine Ducourant. On sait que les projets spatiaux se lancent très en amont de leur réalisation. Ça veut dire que le successeur ou le futur projet qui va prendre la relève de Gaïa est déjà dans les cartons ou pas encore ? Il y a des discussions, ça c'est sûr, actuellement, pour prévoir l'instrument d'après. Alors Gaïa, il observe dans le visible, c'est-à-dire les longueurs d'onde visibles comme notre... le prochain télescope pourrait être dans le proche infrarouge, parce que c'est là où on peut observer la naissance des étoiles et tous les phénomènes qui nous restent pour l'instant cachés par la poussière et par le gaz. Et bien voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci François Mignard, merci Christine Ducourant d'avoir été avec nous pour nous expliquer et nous faire un peu rêver à cette immensité de l'univers auquel nous donne accès ce télescope et ce satellite Gaïa. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Amel Boucher, Kaev Etienne, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mage à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.